seulement je retournais en arrière pour juste changer ça. Notre histoire commencerait à peine. Je ne t'aurais pas vu comme un frère. Mon cœur ne s'ouvrirait pas pour un jour s'abîmer devant toi, devant toi. Tu me donnes quel signe d'anomie que tes sommets abandonnent. On est le mal que tu me donnes, un jour mis à l'abri, ce soleil, ce sommeil. Je sais qu'il ne faudrait pas rendre les coups. Cette fois la tentation est trop forte. Apprendre à être quelqu'un d'autre pour ne jamais revivre ça. Et surtout ne penser qu'à soi, qu'à soi. Le mal que tu me donnes.